La peur, c'est rien du tout que de l'imagination qui travaille pessimiste. Elle broie le noir, elle broie les autres, elle broie tout. Et moi je crois c'est tout, je crois en toi, je crois tout le temps. Je ne sais pas si c'est de l'idiotie, mais ça fait du bien. La peur, c'est rien du tout qu'une faiblesse, une accalmie de force. La fureur devant l'ignoble des lèvres de cellulite, des jours malheureux où la chance se bat avec la première chatte en vue. Et je regrette un peu d'être un con. Je regrette d'être comme ça. Ça doit être plus fort que moi. La peur, c'est rien du tout que de l'intuition qui persiste, douloureuse. Elle caresse mes mensonges, broie mes excuses, mes vérités. Et toi, tu ne crois plus en moi, plus en personne, plus en rien. Tu sais que c'est de l'idiotie, mais ça ne change rien. La peur, c'est rien du tout qu'une étape dans la foulée de la mort. Mais elle partira un jour comme ces jours chanceux où la tromperie se fait prendre. Et je regrette un peu d'être un con. Je regrette d'être comme ça. Ça doit être